Aïe aïe aïe, les fossoyeurs, nique les jaloux, nique les haineux. Frime et oseille, c'est dans nos gènes, comme la Jack et le seul. On se verra besoin de personne, à la moindre embrouille. T'inquiète, on sort le gun, chiffre coup de coude, ou shoot dans ta gueule. Frime et oseille, c'est dans nos gènes, comme la Jack et le seul. On se verra besoin de personne, à la moindre embrouille. T'inquiète, on sort le gun, chiffre coup de coude, ou shoot dans ta gueule. Ma street c'est trop tard, tu fais le fou, c'est trop tard, on te mord. Le coup négro c'est pas des bobards, y'a pas de Tony, ni Pablo Escobar. On veut tous des thunes, donc on se lève dès le spar. Je veux décrocher la lune quand je tire des gros staffs. Je veux décrocher la lucarne quand je tire des grosses frappes. On suce personne pour atteindre le podium. Je me suis fixé un but, donc la rue, je la cogne. Moi je me pète au jack et d'autres se pètent au rhum. Pendant que je me fais de l'oseille, ben ils pensent que je dors. Mec, je t'emmerde, moi à bois je me démerde. Besoin que de mes potes, le reste, niquez vos mères. Un rap cru véridique, mes potes sont les best. 60-100 Martinique, les autres on les baisse. Tous le même objectif dans ma putain de test. Avoir du bif et sortir une putain de caisse. Rime et oseille, c'est dans nos gènes, comme la Jack et le seul. On se verra besoin de personne, à la moindre embrouille. T'inquiète, on sort le gun, chiffre coup de coude, ou shoot dans ta gueule. Frime et oseille, c'est dans nos gènes, comme la Jack et le seul. On se verra besoin de personne, à la moindre embrouille. T'inquiète, on sort le gun, chiffre coup de coude, ou shoot dans ta gueule. On a goût de la victoire, digère mal la défaite. Dès le matin en plein phare pour être sûr qu'on déteste. Je vais mettre tout le monde d'accord, la rue c'est nous. Pour rien faut les mecs hardcore, mais poussez-vous. La frime et les pubs, on a passé c'est shit et les tubes pour nous calmer. Monde le soir font critique, autre monde en l'air. En vue des gangsters, ouais ouais des vrais frères. Y'a pas de match amical, 100% illégaux. Rime Camo comme un Ipoubé d'Adino. Tout le temps en train de brailler, mais le temps passe. Moi je m'en fous de briller, je reste un chien de la casse. Il faut juste des billes, après je me casse. Le départ c'est la cape, l'arrivée c'est le pape. Les fossoyeurs débarquent comme des grands garçons. Un salope, réempêche de payer la boisson. Frime et oseille, c'est dans nos gènes, comme la Jack et le seul. On se verra besoin de personne, à la moindre embrouille. T'inquiète, on sort le gun, chiffre coup de coude, ou shoot dans ta gueule. Frime et oseille, c'est dans nos gènes, comme la Jack et le seul. On se verra besoin de personne, à la moindre embrouille. T'inquiète, on sort le gun, chiffre coup de coude, ou shoot dans ta gueule. Ramène-moi le rap, et bon, je lui fais l'amour. C'est drôle de chien de la carte qui fait la cour. Même en manque de peste, bah moi je reste le même. Je fais pas partie de ces traits qui te niquent pour l'oseille. Appelle-moi le vrai frère ou pec, c'est la même. T'es mon pote, bah ta mère, c'est la mienne. Moi RAP, trop d'éther pour les faux. MAR, c'est le cartel du 6-0. Après son, ça y est, n'est pas usé. Parce que si ça et BE, c'est lancé. Dans le V6, il faut piller, ils sont tournés. Mais qu'est-ce que tu veux sur terre, il faut mailler. Les fossoyeurs, t'en fais pas, y'a pas de rap. Et si tu me crois pas, demande à Zazaza. Au volant d'un classe S à 260. Pour me péter faudrait des putains de voitures volantes. Frime et oseille, c'est dans nos gènes, comme la Jack et le seul. On se verra besoin de personne, à la moindre embrouille. T'inquiète, on sort le gun, chiffre coup de coude, ou shoot dans ta gueule. Frime et oseille, c'est dans nos gènes, comme la Jack et le seul. On se verra besoin de personne, à la moindre embrouille. T'inquiète, on sort le gun, chiffre coup de coude, ou shoot dans ta gueule. Frime et oseille, c'est dans nos gènes, comme la Jack et le seul. On se verra besoin de personne, à la moindre embrouille. T'inquiète, on sort le gun, chiffre coup de coude, ou shoot dans ta gueule. Frime et oseille, c'est dans nos gènes, comme la Jack et le seul. On se verra besoin de personne, à la moindre embrouille. T'inquiète, on sort le gun, chiffre coup de coude, ou shoot dans ta gueule.